cherche de sable et de vent. Cet océan jaune et blanc, perdu dans le désert, perdu dans le désert. Montre-moi ma place sur ces pierres. Ton corps et ton âme, des mirages que tu attends. Si la poussière emporte tes rêves de lumière, je serai ta lune, ton repère. Et si le soleil ne brûle, je prierai qui tu voudras. Si le désert est le seul remède à tes doutes, femme de sel, je serai ta route. Et si la soif nous brûle, je prierai tant qu'il faudra pour que tombe la neige au Sahara. Poussière